petit village sympa. C'était vraiment un bon dimanche. Maintenant, je suis crevé. On va rentrer. Vie de merde. Toi et moi, c'est fou ce qu'on s'emmerde. Les dimanches, on se balade dans des bleds de merde. En couple, c'est fou comme on s'emmerde. Quelle vie de merde. Toi et moi, c'est fou ce qu'on s'emmerde. Les dimanches, on se balade dans des bleds de merde. En couple, c'est fou comme on s'emmerde. Il m'arrive de temps à autre de penser à la plage. Une minette de 15 ans à mon bras et en nage. Des balades avec mes potes, des bistrots et la bringue. Mais tu rentres du boulot et tu me parles de tes fringues. À quelle vie de merde. Toi et moi, c'est fou ce con s'emmerde. Les dimanches, on se balade dans des bleds de merde. En couple, c'est fou comme on s'emmerde. Oui, c'est vrai, je l'avoue, j'y ai pensé plus d'une fois à me barrer au Mexique et te larguer, ça va de soi. À ce moment-là, tu me proposes un dîner entre amis. Les voisins d'à côté, Annabelle et Rémi. Ah, quelle vie de merde. Toi et moi, c'est fou ce qu'on s'emmerde. Les dimanches, on se balade dans des bleds de merde. En couple, c'est fou comme on s'envie de merde. Toi et moi, c'est fou ce qu'on s'emmerde. Les dimanches, on se balade dans des bleds de merde. En couple, c'est fou comme on s'emmerde. À quelle vie de merde.